À la maison de cinéma de Sherbrooke cette semaine, La nuit au musée, le secret du tombeau, du réalisateur Sean Levy, en version française et en version originale anglaise. Let the diversions begin. They're trying to catch the light. I know, but you can't do it, boys. You can't catch light. I should like to comment. Summon the apparatus. Al. Oh. Al. Laugh out loud. Yeah, that's what I did. This year. Have you ever seen it like this before? Never. The magic that brought them to life is running out. Teddy and Dexter, they're all acting weird. What are you doing? I don't think it was his fault. Oh, I'm Larry. I'll never blame a monkey daily. And he has one night. These guys depend on me. To save them all. Everything might stop and it may never come back. We have to go to London to figure this out. You know you'd be lost without us, Gigantor. Hold me. Hello, welcome to the British Museum. I'm Larry Daly from Natural History New York. That must be like Walt Wicker being a security guard in America. With your gun, with a silencer, with your ninja swords. That's not even a little bit true. Teddy, good man having a crisis. Attila, okay, a little muscle. Dada! No, I'm not your Dada. Yes, we look similar. Dada. No touching. Stop it. This place is waking up for the first time, and we have no idea what's out there. I think it's safe to say that we're in a bit of trouble. Need some help. Sir Lancelot, at your service. Theodore Roosevelt, President of the United States. I have no idea what that means. We shall all be dead by sunrise, never to breathe life again. Huns don't hyperventilate. This is the last round now! I'm both disgusted and grateful. Come on! That wasn't necessary! You always put the monkey in charge? Oh, he's not in charge, we're just following him. That's what being in charge means. Never run from a big cat, Lawrence. You can't ambush me with that kind of cue! Night at the Museum, Secret of the Tomb. You know what you have to do? Stay! That's right, just make sure she stays in there. You better let me out! What are you staring at? What, have you never seen like a gorgeous woman before who could be a model if she didn't love pizza so much? Les Maîtres du Suspense, du réalisateur Stéphane Lapointe, en version originale française. Auteur de polar, phénomène littéraire sans contredit, Hubert Wolf, vous êtes au sommet des best-sellers. Je comme mes lecteurs, j'aime pas beaucoup m'ennuyer. Enfin adapté pour le grand écran, alors dites-moi, comment ça se passe? J'essaie de me rendre utile. Il y avait du son là-dessus? Puis Hubert, t'en es où? Tu dois livrer avant la fin du mois, là. Je t'en marre. Encore? Dernière fois. Quand t'auras une vraie job, puis plus que 50$ dans les poches que tu pourras t'obtenir de consommer, on pourra se parler. Depuis 12 ans, c'est moi, Hubert Wolf. J'avais une clause béton de confidentialité. Ah oui? Là, maintenant que t'en parles, c'est moi, Lady Gaga. Mais j'ai pas le droit de le dire. Hey, je reviens dans la réalité, calvaire! Oui, je suis dans la merde, tu comprends? J'écris des livres pour les amis, moi, c'est tout. T'as des bons, des méchants, du suspense. Là, ce qu'il faut, là, c'est trouver une façon subtile pour Scarlett d'aller libérer les otages. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Depuis quand Scarlett parle aux animaux? C'est du grand roman policier. Mon astuce de calice, toi! Commentaire en passant, y a pas de sexe dans le roman. Je peux faire quelque chose? J'aime tes cheveux. Oh, tu t'es cheveux bien ordinaire. Cherche Quentin. Fuck. Non, mais ça peut-tu juste être simple une fois de temps en temps? I am a friend from Montréal. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai conduit non-stop. On a beau écrire des histoires de détectives sur le terrain, on est deux parfaits incompétents. Freeze! Freeze! C'est que tu vas, le freeze? Oui, je freeze, freeze! C'est quand même pas moi qui ai engagé un attardé maniaco-dépressif pour écrire à ma place. Tu vas chercher tout ça. Lâchez-le! J'ai besoin d'être bon en hostie, ce roman-là. On va quand même pas mourir ici! J'ai un réel! Je, Céline, j'ai la chienne. Hostie que j'ai la chienne. Le Hobbit, la bataille des cinq armées, du réalisateur Peter Jackson, en version française et en version originale anglaise, en 2 et en 3D. Un jour, je me souviendrai de tout ce qui s'est passé, de bon, de mauvais, de ceux qui ont survécu ou n'ont pas survécu. La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends. À travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité. Voulez-vous la paix ? Ou la guerre ? Tout va se mêler. Je veux la guerre. Oh, tout va. Se mêler. Allez-vous me suivre ? Une dernière fois. Whiplash, du réalisateur Damien Chazelle, en version originale anglaise avec sous-titres français. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. Five, six, and... I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. So how's it going with the studio band? Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no two words in the English language more harmful than good job. L'Exode, Dieux et Rois, du réalisateur Ridley Scott, disponible en 2 et en 3D, en version française et en version originale anglaise. Tu dis que tu n'as pas causé tout ça. Tu dis que ce n'est pas ta faute. Alors voyons qui est le guerrier le plus redoutable. Moïse, Ramsès, quand je vous regarde, je vois encore les deux garçons qui ont grandi ensemble. Et s'aimaient comme des frères. Some say troubles are bound. Someday soon they're gonna pull. prévenir qu'une chose va se produire sans que je puisse l'empêcher. La théorie de l'univers, du réalisateur James Marsh, en version française. Allez, lève-toi. Bonjour, Brian. Steven, t'es conscient que t'as entrepris délibérément un doctorat en physique? Salut. Salut. Moi, c'est science. Moi, les arts. Je suis cosmologiste. Ça fait quoi, ça? J'étudie le mariage de l'espace et du temps. Le couple parfait. On ne sait jamais d'où nous viendra la prochaine grande avancée incontestable, ni le qui. Et si j'inversais le cours du temps pour voir ce qui s'est passé au commencement de l'univers? Remonter le temps. Remonter le temps. Continue. Je sais pas comment. Pour l'instant. Remonte encore. Pour aller où? Cela s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. L'espérance de vie est de 2 ans. Le temps qu'il nous reste, je veux qu'on le passe ensemble. Ça va être dévastateur. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous attend. Ça va être une très lourde défaite. Mais je l'aime. Et il m'aime lui aussi. Cette maladie, nous allons la combattre ensemble. Bonne chance. Comment vas-tu? Pas trop mal. Alors, ce trou noir au commencement de l'univers, c'est brillant. Très brillant, Steven. Félicitations, docteur. Il a une pneumonie. Sa seule chance de survie réside dans une trachéotomie. Il ne parlera plus jamais. Oui, il le fera. Je m'appelle Stephen Hawking. La voix n'est pas jolie. C'est un problème. Ça a été un immense plaisir de voir cet homme défier toutes les prédictions, autant sur le plan scientifique que personnel. Rien ne devrait imposer des limites à l'activité humaine. Même si la vie peut nous sembler éprouvante, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci. Désolé, est-ce que tu viens de parler? J'ai dit merci.